1. Il est professeur d'italien. 2. Lou est chinoise. 3. Elle est belge. 4. C'est l'assistante de Monsieur Devaux. 5. Paul est mon assistant.